Le nouveau monde, la forêt, la nuit. Elle tombait, Mila tombait dans le vide, et en contrebas, les rats levaient la tête vers elle, surpris. Reste ici. Berthold a couru jusqu'au bout de la branche et s'est élancé dans le vide. Il a filé dans les airs, a attrapé Mila au vol et est retombé quelques mètres plus bas. Les rats ont aussitôt couru vers lui, l'encerclant. Oh, désolé, désolé, je voulais pas lui faire peur. Je me suis tourné vers Bender. Il était arrivé si subitement. C'était à cause de lui que Mila avait sursauté et par conséquent, était tombée. Espèce de... Oh merde! Les rats encerclaient Berthold et Mila. Il n'avait aucun droit sur elle. Il ne pouvait pas la toucher ni lui faire quoi que ce soit. C'était Mila, le seul lien avec mon passé. Le seul lien avec... C'était juste Mila. C'était déjà beaucoup. Vous avisez surtout pas nous approcher. Wow, une baffe wesh. C'est une baffe wesh. Berthold avait rattrapé Mila au vol, mais son sauvetage ne servait plus à grand chose désormais. Ils étaient tous deux entourés par quatre rats. Quatre de ces rats que nous avions piégés lors de l'attaque de Wish City, sous la terre. Bander ? Ouais ? T'es déjà frité avec des rats ? Nous avons échangé un regard complice. Je ne pouvais pas laisser Mila. Et Berthold, aux rats. Un écureuil ! Ça fait longtemps que j'avais pas vu d'écureuil. Ça fait un bail que j'en ai pas mangé. Rotis va être content. N'approchez pas, c'est juste un conseil. Ah ouais? Et c'est toi qui vas nous arrêter peut-être? Non! Les rats ont tous tourné la tête vers moi. Je descendis du dos de Bender. Il s'était juste posé au pied de l'arbre sur lequel nous nous étions réfugiés. La lumière des étoiles filait au travers des feuilles. Un léger vent soufflait. Il y eut comme un silence, un temps d'adaptation. Les rats hésitaient. Attaquer Berthold? Ou s'occuper de mon cas? C'est alors! On a deux baffes wesh en vue. Justement, on vous cherchait. Ratis va être drôlement content de vous revoir, vous deux. Pourquoi? Vous êtes déçu de pas avoir eu Wish City? Mila ne bougeait plus. Elle s'était évanouie durant sa chute. Mila ne bougeait plus. C'est que du bonheur, ouais. Que du bonheur. Non seulement on trouve deux des trois baffes wesh qu'on cherche, et en plus on trouve le royaume des Halls. Ratis va être drôlement content, hein? Oui. Sauf si vous n'arrivez pas à temps pour le lui dire. Quoi? Le petit gnome, il va se battre avec nous. Ah, on pack le petit gnome, les gars. Bender s'était dressé derrière moi. Immense chauve-souris. J'ai posé les mains sur les hanches. Alors, les rongeurs, on a les dents qui poussent. Et les rats se sont dispersés. Deux attaquant Berthold et Mila, les deux autres sur Bender et moi. J'ai évité le premier de justesse en sautant de côté. Bender n'a eu qu'à s'envoler légèrement, laissant le rat s'éclater la tête contre l'arbre dans son élan. Le deuxième hésita un instant, roulant des épaules, puis d'un coup d'un seul, s'élança dans la forêt. Bon Dieu, non! Il fuyait, il allait tout raconter à Ratis et signer ainsi la fin des Halls. Wow, petit gars, hey, file pas comme ça! Tu vas jamais le rattraper, le rat! Et... Oh, il m'écoute déjà plus! Non, ok, d'accord, je me suis trompé sur ton compte, l'écureuil! Me fais pas de mal! Ton copain est à terre. Et quoi? Ah oui, ta copine aussi est à terre. Mais là? Wow! J'ai toujours rêvé de l'atterrir sur le crâne d'un rat comme ça. Fais de bon dodo, toi. Où sont les deux autres? Il y en a un qui s'est mangé l'arbre et l'autre... Scoot est parti à sa poursuite. Mais qu'est-ce qu'elle fait allongée par terre, sa copine? Elle pionce? Elle a été mordue. En plein cœur. Pas bon, ça. Je courais aussi vite que je pouvais, passant entre les brins d'herbe, sautant sur les mousses au pied des arbres, et je courais, guidé par la lueur des étoiles. À quelques mètres devant moi, le rat trébucha sur une racine. Il repartit en claudiquant. J'avais une chance de le rattraper. J'avais une seule chance. Il ne fallait pas la rater.